de en résidence. Dénonce. rester quoi devant? Grand n'importe quoi. plus espéré, le plus attendu. Devant l'épais brouillard, ne plus cesser distraire les harponnés. Sunday morning, I didn't know who's better man. Sunday morning, I didn't know who's better man. Yeah.